state, motherfucking Merle P. Yo, do my dance. Okay. Yeah. Yo, what you doing? Yo. À gérer la pression, je passe du cash à chaque commission. Les ennemis sur le track, juste un fourgon. À des bullseye, j'entretiens ma business comme un bonsai. Je veux faire de la bouffe pour tout le monde, mais ça coûte à rien, pas d'aille. Il manquerait quelque chose, ça serait comme faire les Star Wars.